En 2003, avant les travaux de la troisième ligne de tramway de l'agglomération grenobloise, nous avons enregistré les principaux paysages sonores du futur parcours. Largement dominés par la circulation automobile, ces documents témoignent aussi des activités et des modes de vie présents dans des espaces publics appelés à une profonde transformation.